Sainte Bible selon saint Jérôme, livre d'Isaïe, chapitre 8. Et le Seigneur me dit, prends un grand livre et écris-y en style d'homme. Enlève promptement les dépouilles, prends vite le butin. Et je pris des témoins fidèles, Ouri le prêtre et Zacharie, fils de Baraki. Et je m'approchai de la prophétesse, et elle conçut et enfanta un fils. Et le Seigneur me dit, appelle son nom. Hâte-toi d'enlever les dépouilles, empresse-toi de prendre le butin. Parce qu'avant que l'enfant sache nommer son père et sa mère, la puissance de Damas sera enlevée, ainsi que les dépouilles de Samarie devant le roi des Assyriens. Et le Seigneur me parla encore, disant parce que ce peuple a rejeté les eaux de Siloé qui coulent en silence, et qu'il a pris plutôt Racine et le fils de Romélie, à cause de cela, voici que le Seigneur fera venir sur eux les eaux violentes et abondantes du fleuve, le roi des Assyriens et toute sa gloire. Et il s'élèvera au-dessus de toutes ses rives, et il coulera par-dessus tous ses bords. Et il ira à travers Juda, l'inondant et le traversant jusqu'au cou. Et il étendra ses ailes, remplissant l'étendue de ta terre, ô Emmanuel. Rassemblez-vous, peuple, et soyez vaincus. Et écoutez-vous toute terre lointaine, fortifiez-vous et soyez vaincus, saignez-vous pour le combat, soyez vaincus, formez des desseins et ils seront dissipés, dites une parole et elle ne sera pas exécutée, parce qu'avec nous est Dieu. Car voici ce que m'a dit le Seigneur, quand me tenant par une main puissante, il m'a instruit, afin que je n'allasse point dans la voie de ce peuple, disant ne dites pas conjuration. Car tout ce que dit ce peuple est conjuration. Ne craignez pas ce qu'il craint, et ne vous effrayez point. Sanctifiez le Seigneur des armées, qu'il soit lui-même votre frayeur et lui-même votre terreur. Et il vous sera en sanctification. Mais il sera en pierre d'achoppement et en pierre de scandale aux deux maisons d'Israël, en lac et en ruine aux habitants de Jérusalem. Et le plus grand nombre d'entre eux se heurteront et tomberont, et seront brisés, et ils s'embarrasseront dans des filets, et ils seront pris. Lis le témoignage, scelle la loi pour mes disciples. Et j'attendrai le Seigneur qui cache sa face à la maison de Jacob, et je l'attendrai. Me voici, moi et les enfants que le Seigneur m'a donnés, pour être un signe et un présage dans Israël, par l'ordre du Seigneur des armées, qui habite sur la montagne de Sion. Et lorsqu'on vous dira, consultez les pythoniens et les devins qui bruissent dans leurs enchantements, répondez, est-ce qu'un peuple ne consultera pas son Dieu? Consulte-t-on les morts pour les vivants? Recourez plutôt à la loi et au témoignage. Que s'ils ne parlent pas conformément à cette parole, la lumière du matin ne sera pas pour eux. Et ils passeront au milieu d'elle, et ils tomberont, et ils souffriront la faim. Et lorsqu'ils souffriront la faim, ils se mettront en colère, et ils maudiront leur roi et leur Dieu, et ils regarderont en haut. Et ils porteront leur regard vers la terre, et voilà la tribulation et les ténèbres, l'abattement et l'angoisse, une nuit sombre qui les poursuivra, et ils ne pourront échapper à leur angoisse. De la Sainte Bible selon la Vulgate, dans la traduction de l'abbé Glaire, pour le site jesusmarie.com afin d'en assurer une diffusion gratuite. Fichier placé sous licence Creative Commons le 30 novembre 2010. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous.